J'emplace VR par JR, j'suis loin de Dallas. J'fuck l'esclavage, j'revends la blanche à Obama. J'refuse qu'on soit soumis, j'sors le gala. J'suis un lion, pas un mouton, j'suis comme Baba. J'traîne dans la city bourrée de vis. J'ai la bouche pleine, pourtant j'dois goûter le vide. Le miroir est net, le visage est brisé. On chante en public, mais nos larmes sont privées. Et pour le coup, je suis pas une star d'Hollywood. Pas les couilles, j'fais du Beverly Hills. À nous sert de jolis thugs, on est cool. Même deux glocks peuvent te faire des pisses. J'suis que LF, chemise et Miami. Trop parano pour faire un Miami. Et bah les couilles, j'suis pas une star d'Hollywood. J'remplace VR par JR, j'suis loin de Dallas. J'fuck l'esclavage, j'revends la blanche à Obama. J'refuse qu'on soit soumis, j'sors le gala. J'suis un lion, pas un mouton, j'suis comme Baba. J'veux juste un cocktail frais, avec le petit parasol. Faut que ta chicha trop flinguée. Nous c'est cigare Al Capone. Et tu, ah, ah. J'veux juste un cocktail frais. Pas de fatigue ou pas de suicide de bite. Représente les biens comme il faut dans le shit comme dans la zik. Ouais, tu peux pas comprendre l'histoire d'une vie. Donc ne pose pas de questions ou interview ma bite. Peace, peace, peace, peace. Faut qu'on claque ce liquide pour les notes dans cette vie avant de partir en chute. Toutes les rues sont vides et les fenêtres donnent sur nous. Entendu dans la ville, on fait peur à ton genou. Un regard froid sur le pétard. J'claque du fric comme à l'ancienne juste pour voir. Rien mieux que la famille, on est pèse au ralenti. Je t'aime plus que ma vie, ton rire pour m'en sortir. Ça a démarré dans le zoo, dans la haine pour les keufs. Dans le stress, dans les fours, dans les tirs, près de mes rêves. Puis l'argent séparé, pas longtemps juste pour la vie. J'fais le tour du monde, j'm'en fume, j'm'ennuie. Mon sur scène ami, elle crie mon blast. J't'aurais bien fait faire un tour du ghetto quand j'vendais l'agnax. Tortage au max, j'fais le tour, j'me casse. Presque tout m'ennuie, à part les baisers. J'ai trop fumé, trop percé. À part ça, on les pénètre. J'brise rêve de goût de tes rêves. On prend le monde sans vivre, monde où rien de père en fils. Nine, one, j'emplace VR, par JR, j'suis loin de Dallas. J'fuck l'esclavage, j'revends la blanche à Obama. J'refuse qu'on soit soumis, j'sors le gala. J'suis un lion, pas un mouton, j'suis comme Baba. J'veux juste un cocktail frais, avec le petit parasol. Faut que ta chicha trop flinguée. Nous c'est cigare Al Capone. Et tu, ah, ah, ah. J'veux juste un cocktail frais.